contretemps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gemozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs. Tout d'abord, mes meilleurs vœux pour 2025, puisque c'est la première émission de l'année. Nous vous avons laissé un peu tomber durant le mois de décembre, c'est un temps pour hiberner. Voilà. Donc là, on reprend à zéro et je dis d'abord bonjour Lia. Bonjour Catherine. Comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Je suis très heureuse de te retrouver. Moi aussi, je suis très heureuse de te retrouver. Et donc, notre conversation tout à l'heure a commencé. Oui. Je t'ai dit, eh bien écoute Lia, je n'ai rien préparé pour l'émission. Mais oui. Pourquoi ? Parce que. Alors, parce que, on va quand même un peu étayer l'histoire, parce que je me suis rendu compte, après une année d'émission, qu'on avait survolé, découvert, investi beaucoup de sujets intéressants, le burn-out parental, le burn-out des enseignants, le burn-out des agriculteurs, les méthodes relaxantes, enfin beaucoup de sujets. Et puis, est-ce que ce serait le temps de revenir aux fondamentaux ? Mais bien sûr. C'est quoi cette bête à mille pattes avec des petites antennes qui s'appelle burn-out ? Tout à fait, on a besoin de toi. Alors, burn-out, d'abord, c'est de l'épuisement. On va parler français. Bon. Oui. Alors, c'est quoi cette chose ? Je pense que si vous allez sur... Alors, d'abord, on va quand même dire, hein, vous pouvez intervenir. Oui. Au numéro de téléphone que je vais vous donner directement maintenant, le 03 29 62 40 40. Tout à fait. Voilà, ou bien sur nos pages Facebook de Radio Gemozo ou de Ralentir pour vivre ABO. Qu'est-ce que veut dire ABO ? Anti-burnout, voilà. Donc, c'est effectivement sur le site ralentirpourvivre.org que vous trouvez sous l'onglet activité la brochure. Cette brochure, elle vous raconte un peu l'histoire du burn-out. Pour recommencer depuis le début, c'est un état douloureux et angoissant. Donc ça, c'est important de le mettre dans le paysage. C'est une douleur intense que l'on a à l'intérieur qui ne se voit pas automatiquement. On peut porter un masque et ne pas le montrer, hein, suivant le caractère, suivant la volonté de chacun. Par contre, il y a des signaux d'alarme à prendre en considération. Et là, j'aimerais vraiment qu'on en parle. Pourquoi ? Parce que la phase finale de l'épuisement et du burn-out, c'est retourner la violence contre soi-même. Là, je ne ferai que de donner une statistique qui est bien triste. Un agriculteur par jour donne fin à ses jours. Un interne en médecine tous les deux jours. Alors ce sont des statistiques évidemment bien qui ne s'appellent pas au téléphone en disant « Écoute, c'est mon tour, puis c'est bientôt ton tour ». Non, enfin la statistique veut ça. C'est avant tout quelque chose de plus grave que ce qu'on veut en dire. Parce que souvent j'entends « Oui, il est en burn-out, mais bon, c'est surtout pour glander à la maison, il a qu'à prendre deux, trois petits cachets. » Non, non, je dis non, non, il ne faut pas prendre le burn-out sous cet angle-là. Donc, les symptômes sont multiples et divers. On a déjà des symptômes qui sont avant tout des changements de comportement. Là, je suis vraiment très précise parce que chacun peut voir dans quel état il est. Le burn-out, ce n'est pas une chose qu'on attrape le matin, ce n'est pas une grippe. Tout d'un coup, on a le burn-out, pom pom, non. C'est quelque chose qui vient insidieusement, jour après jour, peut-être même année après année. Ça peut être très lent. Et c'est ces symptômes qui peuvent dire, ok, cette fois, je me regarde. Je m'écoute et j'essaye d'être bienveillant avec moi-même. Donc ça. Est-ce que les personnes extérieures peuvent nous alerter avant même que nous, on s'en rende compte qu'on est dans cet état-là ? C'est certain. Ok, donc n'hésitez pas surtout si c'est vous ça. Constatez. Ou alors en tout cas, parce que comme c'est un état extrêmement douloureux, c'est extrêmement important de ne pas confronter la personne de manière abrupte. Okay. Mais peut-être dire, voilà, j'ai remarqué, qu'est-ce que tu en penses ? Peut-être lui donner des petites pistes en lui disant, mais prends soin de toi, des choses bienveillantes. Dans le changement de comportement, il y a un repli sur soi, un isolement incompris par l'entourage. Souvent, quand on n'a pas beaucoup d'énergie, on va donner une métaphore assez simple. Si j'ai pas beaucoup d'essence, je vais pas partir dans le midi de la France. Je vais rester autour de chez moi. Donc, quand on n'a pas beaucoup d'énergie, on ne sort pas, on n'a plus de contact, on refuse les interactions sociales, on refuse de rentrer en matière, parce qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup d'énergie. On est invité à un anniversaire, mais on sait qu'au bout d'un quart d'heure, on va être gavé. Donc, on sait la limite qu'on a. Donc, ça, c'est important d'en prendre en compte. Des attitudes impersonnelles négatives, voire très cyniques. On a en face de nous quelqu'un qui a toujours été bienveillant, agréable, et tout d'un coup, il voit tout en noir. Il voit tout de manière négative. Je ferai une aparté après par rapport à la dépression, ça n'a rien à voir. Mais il est cynique, hein. Tout d'un coup, il a des réflexions un peu cyniques, que ce soit au travail ou à la maison. Ouais, mais bon, il a toujours été comme ça, c'est un mauvais, voilà. Donc là, on se dit, attention, cette personne n'était pas comme ça avant, elle a un changement dans son comportement. C'est important. Et des comportements agressifs. Dans les témoignages qu'on a faits, il y a des personnes qui disent... J'ai jamais été agressive, mais là, je me rends compte un rien et j'aboie. Hein? Donc ça, c'est un des symptômes à mettre en avant parce que c'est important de se rendre compte que ça change le caractère. Et des comportements addictifs, alors ça peut être des médicaments, ça peut être, là on a eu le cas de Mario qui était venu témoigner, qui disait que son pharmacien lui a dit, écoutez, ça suffit, vous avez pris assez de cures à base de ci, à base de ça pour aller mieux, il y a un problème là, il y a un problème de fond. Ça peut être l'alcool, ça peut être d'autres drogues, ça peut être... Mais c'est pas la critique de l'outil que la personne va utiliser, c'est juste mettre en avant qu'elle a besoin... de relaxer son cerveau à l'aide de comportements qui sont, on peut appeler addictifs, ça peut être aller acheter plein de choses. Tout d'un coup, être dans les magasins et ramener plein de choses inutiles à la maison. Oui. Ou bien ça peut être d'autres addictions qui peuvent être multiples et diverses. Okay. D'accord ? Mais c'est quelque chose pour se fabriquer de la dopamine. Mmh. Et là, on revient à la base. Le burn-out, avant tout, c'est un dérèglement physique, hormonal. Bien sûr qu'à la base, psychologiquement, c'est quelqu'un de peut-être très exigeant. Si on s'arrêtait là, ce serait trop simpliste de dire la personne est exigeante, c'est son problème. Non, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait être laxiste dans la vie. Non, il y a toutes des différences. Il y a des gens plus punchés, des gens moins punchés. Enfin bref, ça peut être des différences. Donc, c'est un dérèglement. Pourquoi ? Parce qu'à force de se mettre de la pression, sur le long terme, notre corps ne réagit plus d'une manière sensée. Pression sur le long terme, ça rejoint notre... fondement même de l'être humain qui est constitué d'adrénaline nécessaire pour les situations qui le réclament. Adrénaline et cortisol sont nécessaires pour que notre esprit fonctionne plus vite, pour que nos muscles soient plus costauds, pour qu'on ait des réactions plus appropriées, plus au taquet, comme on dit. Au taquet, voilà. Donc, c'est des hormones nécessaires. Seulement, elles doivent être ponctuelles et non pas sur le long terme. Si on donne à nos corps, sur le long terme, ces hormones, au bout d'un moment, les régulateurs du cerveau ne peuvent plus maîtriser cette avalanche de cortisol et d'adrénaline. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils disjonctent. Ils disjonctent et ils mettent à mal tout le corps. Le système immunitaire part en vacances, il dit « Écoutez, c'est tellement le bazar ici que moi, je m'en vais. » D'accord ? En gros. Donc après, on chope un peu n'importe quoi. Donc il y a un côté très physique. Donc il faut sortir du jugement... de « on a la volonté, on ne va pas être dans l'épuisement », ça, c'est illusoire. Ce qui est important de comprendre, c'est que on doit vivre ce qu'on a envie de vivre, et c'est peut-être les symptômes qui sont notre bouée de sauvetage. C'est-à-dire que les symptômes peuvent nous dire, comme une alarme sur l'ambulance, pipimpon, attention, attention, attention. Donc les symptômes sont effectivement très importants. Là, il y a aussi, dans le changement de comportement, un point qui est extrêmement important. Ce point, c'est que l'être humain, depuis la nuit des temps, est fait dans son cerveau, et là on parle du cerveau, pour fonctionner avec du sens. Si ça n'a pas de sens, notre cerveau y bug de nouveau. Et pour là, on va écouter Sébastien Boller qui parle du sens, qui parle du sens. Et là, c'est quelque chose de, à mon sens, c'est le cas de le dire, très important. Le besoin de sens est aussi vieux que l'humanité. Les êtres humains ont toujours interrogé les astres, le vol des oiseaux pour essayer de savoir comment se comporter, d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient sur Terre. Alors, ils ont fait appel à des explications mythologiques en imaginant l'existence de forces occultes, de divinités. En tout cas, le monde n'est pas un endroit qu'on aime se représenter comme chaotique et livré totalement au hasard. Et c'est quelque chose qu'on peut observer dans les réactions de notre cerveau, justement. Puisque des expériences montrent, par exemple, si on vous explique que le monde n'a aucun sens, eh bien, votre cerveau va commencer à paniquer, alors que si on vous dit qu'il y a une logique sous-jacente, à ce moment-là, va s'activer une petite zone de votre cerveau localisée entre vos deux hémisphères et qui va être apaisante, en fait, pour vous donner la capacité de vous orienter dans le monde et de planifier des actions d'une façon qui, probablement, a aidé nos ancêtres à survivre pendant très longtemps. Nous sommes en effet programmés neuronalement au niveau de l'organisation de notre cerveau pour trouver un sens dans ce qui nous entoure. C'est quelque chose qui nous vient aujourd'hui des neurosciences, plus spécifiquement des neurosciences existentielles, la branche des neurosciences qui se pose la question comment réagit notre cerveau face aux grandes questions de l'existence. Voilà. Et c'est une donnée radicalement différente puisque la quête du sens a toujours été une problématique philosophique, éthique, mais aujourd'hui, on peut affirmer, grâce aux recherches en neurosciences, que le sens est un besoin vital. C'est-à-dire que trouver du sens dans l'organisation sociale, à l'intérieur de l'individu lui-même et dans le rapport de l'être humain avec le monde qui l'entoure, a été une condition de notre survie. Et c'est pour ça que ça a donné naissance à une zone de notre cerveau qui remplit cette fonction. Et ça a rempli un rôle absolument vital, notamment pour permettre aux êtres humains de comprendre comment le monde extérieur s'organise, ne serait-ce que pour anticiper les mouvements des animaux, par exemple, pour se nourrir. Et ça a ensuite permis à nos ancêtres préhistoriques de s'organiser dans des groupes qui étaient capables de synchroniser leurs actions d'après des buts communs, en adhérant à une vision du monde commune, à des récits des origines. Et sans cette capacité à organiser le monde physique et social autour de ce qui fait sens, nous ne serions pas là. Et donc cette partie de notre cerveau a besoin de trouver de la cohérence, de trouver de la logique dans ce qui l'entoure, dans la communauté humaine, pour se projeter et pour vivre. Et ce besoin est ancré dans la structure de notre cerveau. En revanche, ce qui s'est passé depuis quelques siècles, c'est que nos civilisations ont progressivement décidé que le sens en soi n'était pas nécessaire pour être heureux, puisqu'aujourd'hui, le grand programme depuis la révolution industrielle, c'est d'accéder au bonheur par le confort matériel, par la lutte contre les maladies, par l'accès aux ressources naturelles, par le fait d'être entouré d'un certain nombre de machines qui soulagent notre travail. Ça a été ça, le grand programme du développement industriel du 19e puis du 20e siècle. Et la question du sens a été purement et simplement évacuée, d'où le recul avec des grands systèmes de sens traditionnels. Mais l'erreur que six sociétés ont faite sans le savoir, c'est qu'elles ont certes évacué le sens, mais elles n'ont pas annulé le besoin de sens qui reste inscrit dans notre cerveau. Conséquence, notre cerveau est affamé de signifiants et de systèmes de codification de sens qui n'existent plus aujourd'hui. Et en conséquence, il lui manque ça, et la réaction du cerveau face à ce manque, on la connaît, on peut la mesurer expérimentalement, c'est la libération d'hormones du stress, comme le cortisol, comme la noradrénaline, qui crée un état d'inconfort, de stress chronique, qui débouche sur des crises existentielles, sur de l'éco-anxiété, sur du burn-out, sur de la dépression, et sur une vraie crise de sens de nos sociétés aujourd'hui, à un moment où on ne sait plus si dans 30 ou 40 ans, les humains pourront encore vivre sur Terre comme ils le font aujourd'hui. Là, chères auditrices et auditeurs, Pour ma part, j'ai appris quelque chose, c'est-à-dire que le sens n'est pas que philosophique. Ça, je retiendrai ce point. Le sens est inscrit dans nos cerveaux. Et là, il a une fonction majeure. Je suis tombée par hasard sur un article de BFM TV dans Économie, Emploi, Vie de Bureau. Et cet article m'a interpellée. Burnout, pourquoi janvier est un mois propice à l'épuisement professionnel et comment le détecter? Bon, alors ils disent que le premier mois de l'année, c'est là où il y a le plus de consultations à ce sujet pour l'épuisement professionnel, émotionnel. Et même si le diagnostic de burn-out ne tombe pas, à chaque fois la réalité du trop-plein émotionnel et de l'épuisement physique et mental est bien présente. Donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en ce mois de janvier, on a des habitudes, on a des rituels, et je ne nommerai qu'un seul rituel qui me paraît être à ce sujet, c'est les nouvelles résolutions. Et donc, il s'avère que les nouvelles résolutions, c'est une pression. C'est une pression qui font une période complexe le début d'année. Mmh. D'ailleurs, il y a le mois sans alcool, oui. Il y a tout se cumule. On ne peut pas envoyer les vœux sans dire « meilleurs vœux pour 2025, pour tes projets de réussite ». Non, mais c'est bon, les projets, je n'ai encore pas regardé parce que moi, début de l'année, je ne vois pas clair. La réussite, je reprendrai un mot de André Comte-Sponville que j'aime beaucoup. C'est quoi le bonheur? C'est ne pas être malheureux. Donc, quelque part, la réussite, pour moi, c'est d'être bien avec soi-même. Tout à fait. Ça, c'est la première réussite. Voilà. Donc, apparemment, ce mois de janvier est terrible. Vous sortez d'une année épuisante, des fêtes souvent surchargées, physiquement et ou émotionnellement, et on vous pousse à repartir à bloc avec plein de nouvelles résolutions. Passer l'euphorie ou l'agitation liée aux fêtes de fin d'année, le mois de janvier peut aussi être le moment de faire les comptes. Et le cumul des nombreuses dépenses effectuées peut donner le tournis et générer du stress. Et surtout aussi, et on en revient à Sébastien Boller, quel sens je donne à ma vie? Eh oui. Après ces fêtes de fin d'année qui sont des joies éphémères et illusoires, à part le repas de famille qui est quelque chose de concret, tout le reste. Et puis il y a beaucoup de personnes qui sont finalement pas à l'aise avec les fêtes de fin d'année, parce que ça relève aussi beaucoup de traumatismes, de choses, de dysfonctionnements familiaux parfois qui ressurgissent à ce moment-là. Une période où il faut forcément être heureux avec la magie de Noël, etc. Et finalement, je crois que ça a un contre-effet. C'est ça, exactement. C'est tout à fait juste ce que tu dis, Lia. Il y a beaucoup de personnes qui voient arriver Noël avec frayeur. Oui. Et puis qui ne font que de rappeler les traumatismes vécus sur la vie et c'est difficile de passer cette période, d'autant qu'on arrive donc à janvier, ben et oui. Vous pouvez pas croiser quelqu'un sans qu'il vous dise alors t'as pris quoi comme bonne résolution? Cette année, moi, je l'ai pas demandé, tu vois. Je l'ai pas demandé, j'ai pas eu envie qu'on me le demande. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que, chaque jour, l'un après l'autre, déjà, pour être bien avec soi-même. Et justement, trouver du sens avec soi, parce que c'est très intéressant ce que tu nous as fait écouter juste avant. Je pense que on en est tous là à se demander quel sens on donne aux choses, quel sens on donne à ce qu'on vit. Oui. Quel sens on a envie de prendre. C'est ça. Et je pense que c'est vraiment, c'est un peu comme la question comment tu vas. Et en final, on n'attend pas la réponse, quoi. C'est ça. Oui, ça va bien. Ok, c'est super. Ça. Alors on passe à autre chose. C'est un petit peu bonne année, meilleurs vœux. Ouais. Et c'est quoi tes bonnes résolutions? Mais finalement, tout le monde s'en fout. C'est ça, exactement. Et puis le sens, il avait une place qui était très importante parce que je donne un exemple. Quand il fallait rentrer le bois en plein hiver, il faisait froid et tout. Mais c'était pour avoir chaud. Oui. Donc tous ces petits sens, si on cultivait le jardin, c'était pour avoir quelque chose dans son assiette. Si on cultivait les relations sociales, c'est parce qu'on avait le soutien de la communauté. Oui. Tout avait un sens. quand bien même il y avait les mêmes difficultés. Je pense que il faut pas partir sur le principe de c'était mieux avant. Non, moi je pense pas. Mmh. Je pense simplement qu'avant il y avait des raisons cohérente de faire les choses, de faire les efforts, parce qu'il y avait une raison sensée. Maintenant, la seule raison sensée qui reste, c'est gagner un maximum d'argent. Ah, ça, c'est une autre question, mais voilà. La dernière fois, on a rencontré un professionnel, c'est un coach, voilà, enfin une femme, qui parlait des jeunes et qui disait qu'aujourd'hui, en fait, cette nouvelle génération est complètement différente de ceux qui la précèdent, dans le sens où justement, ils sont vraiment en quête de bien-être, entre guillemets, de se sentir bien dans leur vie, etc. Donc c'est une vraie évolution, parce qu'avant on faisait toutes ces choses dont tu nous parles pour survivre, entre guillemets, hein, pour se donner un minimum de confort dans la vie. On n'avait pas vraiment le temps de penser au sens qu'on allait mettre à notre vie, dans les choses qu'on vivait tous les jours. Aujourd'hui, c'est très différent. Oui, puis les jeunes veulent vraiment savoir le sens de ce qu'ils font. Oui, oui. À Ralentir pour vivre, on accueille des woofers. L'année dernière, on en a accueilli plus de 25. Et dans ces jeunes, beaucoup ont dit, nous, on vient passer un temps chez vous parce qu'on a besoin de recul pour savoir quel sens a notre vie. Mmh. Et des jeunes entre 18 et 30 ans. Mmh. Très jeunes. Bon, des moins jeunes aussi, mais des très jeunes. Et là, je suis en train de reprendre les inscriptions et j'ai 4 petits jeunes qui m'ont appelé. On les entendra parce qu'ils aimeraient bien parler de justement génial. Ce qu'ils sont en train de vivre au mois d'avril. Et qui disaient qu'ils ont tous fait une année sabbatique parce que ça allait trop vite. Mmh. Ils n'arrivaient pas à avoir le temps de penser. Et que ça, c'est aussi très important d'avoir le temps de penser. Dans les symptômes, on va revenir aux symptômes, hein. Il y a des troubles de la mémoire. Alors, j'entends souvent des gens qui disent « Oh mais c'est bon, renvoie-moi un mail, sinon je me souviens pas, renvoie-moi un SMS. Ben, » La preuve, une preuve. Vous allez chez le médecin, vous recevez un SMS pour vous rappeler le rendez-vous, un mail pour rappeler le rendez-vous. Hein. Et c'est tout juste si on vous appelle pas. Moi j'en ai des médecins vous appellent vous dire « Vous avez le rendez-vous. » Bon, donc il doit y avoir quand même un petit problème de mémoire. C'est vrai que quand on se pose pas, la mémoire, elle part en cacahuète, hein, parce qu'il y a trop de choses, c'est trop plein. Ben oui, on cumule, donc. C'est comme une maison. Je vais donner une métaphore de nouveau très, très simpliste. Une maison où il y a un bazar pas possible, vous cherchez une paire de ciseaux, vous en avez pour une heure et demie, hein. Puis au bout d'une heure et demie, vous dites, ah, elle est là! Bon, d'accord. Donc là, la mémoire, c'est un peu la même chose. On se souvient plus de rien parce qu'il y a trop de choses dans la tête. Des troubles de l'attention. Alors ça, c'est la jeune génération. Oui. Quand vous faites des spots ou des choses, par exemple, sur le net, la règle d'or, c'est pas plus de 9 secondes. Il y a un livre, mais j'en parlerai une prochaine fois, se divertir jusqu'à en mourir, où il raconte que maintenant, l'attention est passée à 9 secondes. Au-delà de 9 secondes, les gens, ils zappent. Ah oui, d'accord. Donc, il y a 15-20 ans en arrière, on disait une conférence ne doit pas durer plus de 45 minutes. Oui. À la 46e minute, les gens ont lâché. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Les troubles de l'attention sont aussi de plus en plus au centre. La difficulté à se concentrer. Alors, je vais donner une anecdote. Je brode. Oui. Et tout le monde me dit... Oh là là, le temps que t'as mis à faire ça. Oui, mais c'est ma manière de méditer. Mmh. Alors la méditation que j'appelle moi pleine présence, c'est justement être concentré sur le moment présent. Qu'y a-t-il ici? Alors on va faire le tour, une horloge qui nous indique le temps qu'il est, puisque nous devons à la radio respecter un certain temps. On a des micros. On a un ordinateur, on a des très jolis ballons là-bas au fond qui donnent une lumière, une collection de disques. Voilà, et je suis vraiment ici dans le studio, présent. Mm. Et ça, c'est important qu'on revienne et qu'on se rende compte quand on n'est plus présent, quand on nous parle et qu'on n'entend plus. Ça, c'est un symptôme qui est facilement détectable. Oui. D'accord. Et puis, y a les troubles qui sont plutôt des troubles physiques. Alors là, je commencerai par le premier. Ne pas arriver à s'endormir avant 2h du matin et ne dormir que 4 à 5 heures par nuit. Ça, c'est quelque chose qui doit vous éveiller l'attention et vous dire « Ah, ah, pas bien, attention, attention. » Il n'y a plus de sommeil réparateur. Ça, ça vient en premier point dans l'épuisement. D'accord ? Une difficulté à manger, on avale tout rond, on ne mastique plus, on a mal à l'estomac, on a des problèmes gastriques, enfin des problèmes avec la nourriture, ça aussi. D'accord ? Ensuite, il y a des douleurs musculaires aux articulations, en particulier des douleurs dorsales. Alors moi, je souris parce que on est dans une, dans un système, enfin dans une société, combien de gens ont mal au dos ? Ah oui, ils en ont plein le dos. Ils en ont plein le dos. Donc ça, ça doit aussi éveiller l'attention. Et puis, ben voilà, des troubles gastro-intestinaux, des troubles alimentaires et des réductions des défenses immunitaires. Je dis souvent quand, par exemple, j'entends des gens qui disent « Oh, mais j'arrête pas, j'enchaîne. » une gastro, un truc, un machin, ça y est, je me suis tordu le poignet, j'ai fait ci, j'ai fait ça, enfin bref, j'enchaîne. Là, attention, pipimpon les pompiers, hein, pipimpon, pipimpon. C'est donc les signaux d'alarme qu'il faut vraiment prendre en considération et qui sont extrêmement importants. On va faire une petite pause musicale par rapport à ça qui va nous faire plaisir. Dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui, tu l'as déjà vu. Il partageait ton cœur dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. De couloir dans les beaux bureaux en glace comme dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole sur les écrans sous des masques dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse et nous isole. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui qui passe, mais son nom je sais plus. Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on est plus nombreux? Je l'avoue, le cœur gros, oui, j'ai ri avec eux. C'est toujours la même histoire dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace comme dans toutes les cours d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous classe et qui nous cogne sur les écrans sous des masques dans des regards qui plusieurs. Il faut en faire valoir pour se sentir meilleur. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, on ne l'a plus jamais vu. Voilà, chères auditrices et auditeurs, on va en revenir aux fondamentaux essentiels, cruciaux, auxquels j'aimerais arriver aujourd'hui. C'est-à-dire les troubles psychiques. Parce qu'on entend tout, hein. mais aussi n'importe quoi, l'IA. Hein, tu vois ce que je veux dire? Ah, ça, c'est sûr. Bah, quand on ne sait pas, en général... Voilà, ça n'arrange rien. Voilà, non. C'est ça. Voilà. Une agitation anxieuse, ben ça, on peut imaginer ce que c'est. On voit quelqu'un qui est très agité, qui à peine il vous dit bonjour, il est en train de faire autre chose. Bon, ça, agitation anxieuse, c'est le premier stade. OK. Un flux de parole. Ça s'appelle la logorrhée. Oui. Donc, quelqu'un qui... Je ne dis pas quelqu'un qui parle beaucoup, admettons, quelqu'un qui ne parle pas souvent, puis tout d'un coup, il parle. Bon, OK, il parle. Ça, c'est pas de ça que je parlais. La logorrhée, c'est rencontrer une personne et clairement, à part hocher de la tête en disant oui, vous ne pouvez pas faire autre chose. OK. Vous voyez ce que c'est? Là, voilà. Donc, ça, c'est... Un point avec le manque de sommeil, les problèmes d'appétit et les problèmes de dos ou d'articulation. Ça, c'est des symptômes qui trompent pas. Même si on est au début. Puisque le burn-out, c'est un continuum. Continuum, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un burn-out, ça peut être un gris clair et un gris très foncé, voire noir. D'accord? Ça va du blanc au noir. Hein, ok? Donc, on va dire, ça bouge au fur et à mesure. Ça peut rester stagnant à des positions parce qu'on a trouvé justement ce qu'on appelle une drogue dissociante, qui peut être aller danser toute la nuit comme un fou ou boire jusqu'à ce que mort s'en suive. Enfin bref, il peut y avoir différentes manières de réagir. Mais le burn-out n'est pas quelque chose qui vient un matin. C'est quelque chose qui s'installe, qu'on peut faire soit régresser, soit augmenter. Mais c'est pas quelque chose de précis. C'est un ensemble de comportements, on le reconnaît à ça. C'est un syndrome. Hein. Et donc un flux de parole... Alors, je connais des gens... qui, à part le fait que je dise oui, elles peuvent totalement faire une discussion de plusieurs heures. Lia, tu D'accord. connais des gens comme ça, toi? Ça me dit quelque chose. Ah bon? J'ai dû en croiser quelques-unes, mais je suis vite épuisée par ce genre de personnes, donc j'essaye de me faufiler, même voilà. Si c'est pas simple. Non, parce que les épuisés sont épuisants. Oui, enfin, là je suis en train de dire que c'est un petit peu comme pourquoi, parce que bah oui, les épuisés sont épuisants, bah oui, c'est oui. Tout. Voilà, la sensation d'être submergé par le travail ou par la vie, hein, c'est pas simplement. C'est quelqu'un qui, vous avez l'impression qu'il est en train de couler et qu'il lui garde plus que le nez. Donc là, il faut lui parler avec bienveillance, lui dire. Voilà, c'est peut-être le moment de. Est-ce que c'est vraiment et quand quelqu'un vous dit oui, mais je peux pas faire autrement. La meilleure des réponses à avoir, c'est juste le regarder avec beaucoup de calme et lui dire « Es-tu certain ?» Oui, c'est tout. Par exemple, quelqu'un qui me dit « Oui, mais je ne peux pas faire autrement, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. » Je respire un grand coup, je le regarde et je lui dis « Es-tu certain ?» Et c'est tout. Oui. Alors bien sûr qu'il va me répondre « Oui, oui, oui, oui, oui, très bien, c'est tout. » Et je n'aurais rien dit de plus. Seulement ça, j'aurais déclenché un petit truc dans son cerveau qui va revenir. Est-ce que je suis vraiment certain que ça soit obligatoire? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que... Donc ça suffit, parce que c'est difficile de remettre quelqu'un sur les rails quand il est submergé, qu'il a l'impression qu'il a la tête sous l'eau. Hein. Et il y a aussi le sentiment de se sentir piégé. Alors ça, c'est un sentiment qui est récurrent chez toutes les personnes qui sont vraiment... dans le burn-out, c'est se sentir piégé. C'est-à-dire dire, mais j'ai pas d'autre issue. Oui, d'accord. Alors, la première issue, ça, je ne donne pas de conseils, mais je donne des idées. La première issue, c'est de prendre du recul. Quelquefois, reprendre du recul, de s'éloigner, peut-être. J'avais lu un livre il y a très longtemps qui s'appelait Ralentir pour réussir, qui était un coach David. Je ne sais plus son nom de famille, David, quelque chose, bref, qui avait écrit qu'il fallait le silence, la solitude et la respiration pour arriver à se retrouver soi-même. Donc peut-être de temps en temps se recentrer, voilà. Hein. Ça, c'est... Et alors l'irritabilité, on est d'accord, et la chute de l'estime de soi est la pire des choses. C'est-à-dire que quand le burn-out est vraiment acté, on est dedans, gauche, on a ignoré peut-être les... Et c'est là que les gens qui sont autour doivent vraiment tirer le signal d'alarme. C'est le retournement de la violence contre soi-même. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Le suicide. Bah oui. Voilà. Et donc, c'est de là qu'on avait parlé avec le président du GAB, des agriculteurs, un par jour se suicide, donc en moyenne 360 par année. Hein. Ils retournent la violence contre eux. Pour ça, je tiens à préciser, en parlant des agriculteurs, s'il y a des auditrices ou des auditeurs qui sont dans ce secteur, la MSA France, sous l'onglet exploitants, soutien aux agriculteurs, il y a ce qu'on appelle, dans les cas graves, hein, il ne faut vraiment pas renier ce point important parce que justement, c'est des métiers où ils ont une volonté de fer, d'acier. Et c'est pour ça qu'ils vont de plus en plus vers ce point de non-retour, parce qu'ils sont dans des situations difficiles, et comme ils ne voient pas, ils se sentent piégés, et en finale, voilà, ils arrivent à ce qu'on appelle l'acte définitif. C'est de l'aide au répit en cas d'épuisement professionnel. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se décline, mais il marque bien que le burn-out est une réalité en milieu agricole, qu'un accompagnement social adapté à la situation est possible, qui peut en bénéficier. L'aide au répit s'adresse à tous les agriculteurs et salariés de la production en situation d'épuisement professionnel. Donc même les salariés, hein, exploitants, chefs d'exploitation ou d'entreprise. Comment ça marche ? Ben, ils disent qu'ils font contacter le service d'action sanitaire et sociale de votre MSA. Après une évaluation de la situation, un travailleur social vous proposera un plan d'action personnalisé. Vous pourrez, par exemple, bénéficier des dispositifs suivants. Aide au départ en vacances, séjour répit, temps de loisirs, groupe de parole, consultation psychologique, séance de sophrologie, programme Avenir en soi, parcours et confiance. Et là, ils disent bien, l'accès à l'aide au répit et au remplacement sur l'exploitation se fait sans condition de ressources. Donc là, je le dis parce que voilà, le symptôme le plus grave dans le burn-out est qu'on ne doit pas prendre ça à la légère. C'est la violence qu'on retourne contre soi. Mmh. Ce n'est pas une dépression. Pourquoi ? Parce que, mais là je vais dire pourquoi, parce que la dépression, c'est quelqu'un qui a toujours plus ou moins pas eu vraiment de punch, qui avait de la peine à suivre, qui était ce qu'on appelle un mélancolique, on disait hein, au 18e, 19e siècle, un mélancolique. Voilà, ça c'est de la dépression. L'état dépressif qu'on rencontre dans le burn-out ou dans l'épuisement, il vient après des périodes d'activité très intense. C'est des gens entreprenants, dynamiques, qui ont vraiment du punch. Alors, on va dire maniaco-dépressif. Non, c'est pas ça. C'est, voilà, ils ont du punch, ils vont au bout de leurs ressources, au bout d'un moment, ils ont plus d'énergie, pof, ils tombent. Et il y a une espèce d'état dépressif où, voilà. Et donc, là, à ce moment-là, vraiment, vraiment, c'est important qu'il y ait un environnement qui entende. Parce qu'on arrive de plus en plus dans ce genre de situation. On parlait aussi des internes en médecine. Mais oui. Hein, 180 à peu près par année qui mettent fin à leur jour. Les jeunes, suicide des jeunes, il y en a de plus en plus. Et c'est indirectement ou directement des cas d'épuisement. Épuisement qui peut être émotionnel, qui peut être psychique, qui peut être physique, qui peut être de toutes sortes, mais une lassitude. J'aime bien, Ayala Pines parle de lassitude. Lassitude de la vie. Alors oui, on est en fin de civilisation, donc on arrive... Mais bon, essayons d'être peut-être... on va dire résilient. Oui. Ce serait pas mal. Donc là, je pense que c'est important de parler des symptômes à ce niveau-là, parce que je connais des gens qui ont mis fin à leur vie suite à un épuisement, et c'est vraiment dramatique. Mmh. C'est quelque chose de très grave, et qu'il faut vraiment... C'est pour ça que les signaux d'alarme sont à prendre en considération, parce que c'est pas anodin, et que... Bien sûr que c'est difficile de parler à quelqu'un qui est dans cet état-là. Je suis tout à fait la première à le dire, que c'est pas facile parce qu'il y a ce qu'on appelle le déni. Le déni, ils veulent pas entendre. Seulement, on peut, avec bienveillance, arriver à peut-être lancer des petits messages. Et puis aussi essayer de soutenir, parce que ça peut être aussi sous la forme, dans le burn-out parental, de soutien ponctuel. Et puis d'aiguiller, parce qu'il y a de plus en plus d'organisations qui soutiennent, justement par des discussions, par des choses importantes. Et puis, sortir du déni et arrêter de se mentir, parce que ça ne sert à rien. C'est fini. Les mensonges à rallonge, artifices, pousse au vice, c'est fini. Les salades, les tromperies, vanités toutes pourries, c'est fini. Les illusions bidons, les semblants, les fictions, c'est fini. Fini. Non, mes cils sont pas longs, mes seins sont pas ronds, mes jambes sont pas lisses et j'ai des poils au pubis. J'ai pas une belle peau, j'ai du gras jusqu'aux os, mon ventre est pas plat et j'ai des poils sous les bras. J'suis pas obsédée par plaire au mec d'à côté, moi en vérité tout ce que je veux c'est la paix. Me voir dans la glace et mes larmes font face, qu'à pas être belle pour vivre tranquille telle qu'elle. Je veux plus mentir, me charner comme moi à la perfection, jusqu'à ne plus être qu'une contrefaçon. Je veux plus mentir, je ne veux plus jamais maquiller mon visage. Pourquoi on m'oblige à détester mon âge? Mentir, pour qui et pourquoi mentir à tour de bras? Pourquoi le monde entier tout autour de moi m'oblige-t-il à mentir? Moi je veux pas mentir. C'est fini. La lingerie hors de prix, les talons, les baillons, c'est fini. Les tortures, les postures, injonctions à la con, c'est fini. La culpabilité de jamais être assez, c'est fini. Fini. Non, je veux plus rien raquer, je veux plus rien payer. Un jour je vais crever, je veux mourir sans regret, sans honte, sans remords, faire face à la mort, vivre sans masque et sans phare avant qu'il ne soit trop tard. Résignante et fière, mon courage en bannière, ne vivre que de vérité, plus jamais baratiner, plus jamais faire croire que je suis une autre, plus jamais me trahir, plus jamais me faillir. Je veux plus mentir, m'acharner comme moi à la perfection, jusqu'à ne plus être qu'une contrefaçon. Je veux plus mentir, je ne veux plus jamais maquiller mon visage. Pourquoi on m'oblige à détester mon âge? Mentir, pour qui et pourquoi mentir à tour de bras? Pourquoi le monde entier tout autour de moi m'oblige-t-il à mentir? Moi je veux pas mentir. C'est fini. Voilà, chères auditrices et auditeurs. Alors, pour finir, j'aimerais qu'on approche les chiffres. Parce que pour moi, ils m'ont quand même bousqué, choqué. Parce que je pensais bien qu'il y avait des épidémies de burn-out à ce point-là. Mais là, il y a des sites qui vous annoncent que, selon l'Institut de veille sanitaire, 480 000 personnes en France sont concernées par un état de souffrance au travail, dont 7%, soit environ 30 000 individus, seraient spécifiquement touchés par le burn-out. Bon, je lis ça et je me dis, bon, ok. Le baromètre 2023 du cabinet Empreinte Humaine estime que 2,5 millions d'actifs présentent un risque d'épuisement sévère. D'accord. Après, on parle, selon le cabinet Technologia, de 3,2 millions de salariés, soit 12% seraient exposés à un risque de burn-out. Je n'en suis pas restée à ces chiffres-là, je suis allée voir ailleurs parce que je trouvais ça un petit peu nébuleux. Alors là, il y a eu CFE-CGC, c'est des syndicats, à mon avis, chez Adéco, enfin bref, 5 chiffres à connaître sur la santé mentale travail en France. Alors j'ai été la plus estomaquée de ce que j'ai lu. 45% en font une priorité, donc du bien-être mental au cœur de leurs préoccupations. Hein, les personnes, à l'heure actuelle, sont vraiment penchées sur donner du sens à leur vie. 61% sont stressés. Là, on ne parle plus des mêmes chiffres. Hein, donc. Parce que je me demande jusqu'à quel point on n'essaye pas de mettre tout ça sous le tapis. Hein, on ne veut pas en entendre parler. 61% sont stressés, d'accord. 30% sont en burn-out. 64% ont du mal à déconnecter. Et voilà donc où on en serait à l'heure actuelle, mais quand même 61%. Donc 6 personnes sur 10. On imagine notre entourage, on réfléchit, on a 10 personnes autour de nous. 6 sont sous stress. Oui, je crois qu'on est juste là. Ah oui. À peu près. Hein. Mmh. C'est à peu près ça. Donc c'est vrai que là, on arrive dans des chiffres un petit peu catastrophiques. Et on va écouter là diagnostic de Jean-Pierre Ollier. Au niveau collectif, je pense que le traitement, c'est avoir conscience collectivement du fait que des personnes peuvent se trouver en situation de désespoir parce que le contexte professionnel, parce que la pénibilité psychique les a dépassé leur capacité d'adaptation. Et si vous voulez, je rapproche ça beaucoup de ce qui avait été fait dans l'île de Gotland à propos du suicide. Ce qui avait été fait, c'est que du fait d'un taux de suicide élevé, les autorités avaient exigé que chaque mois, il y ait une formation sur le suicide pour les médecins de premier recours, c'est-à-dire les médecins généralistes. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'année, dans cette île ? On a vu diminuer la fréquence du suicide et augmenter la prescription des antidépresseurs. Mmh. On a arrêté au bout d'un an. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu rediminuer la prescription des antidépresseurs et réaugmenter la problématique, la fréquence du suicide. Donc, je pense que la première chose, c'est que ce soit quelque chose dont on sait parler, dont on connaît la possible existence collectivement et au premier chef, bien sûr, dans l'entreprise. Que ce soit plus quelque chose qu'on met sous le tapis. À mon avis, ça, c'est un premier élément préventif, en sorte que lorsque quelqu'un manifeste ou rencontre les premiers indices et les premiers signes de difficulté ou de désarroi, il puisse y avoir des ajustements au niveau professionnel. Ajustements d'aide, je crois que c'est très important et de mon point de vue, pour l'instant, ça prime tout. Voilà, c'est exactement ce que je disais, ne pas le mettre sous le tapis. Ce pourquoi de notre émission, Lia, c'est de parler du syndrome d'épuisement, parce que le mettre sous le tapis, ce n'est pas bon. Il faut en parler, il faut dire, il faut expliquer, il faut alerter. Et puis que toutes les personnes qui soient concernées n'aient pas ce sentiment de se sentir coupable, d'être victime d'une maladie de société et non pas autre chose. Il faut bien se le dire. chères auditrices et auditeurs, vous comprenez que ce sujet est très important. Vous comprenez également qu'il y a des enjeux avec lesquels on ne peut pas jouer. Des enjeux qui sont essentiellement évités à des personnes d'en arriver à des extrêmes qui seront destructrices pour tout le monde, pour la famille, pour tout le monde. Donc c'est un enjeu qui est communautaire aussi, hein. C'est un enjeu important. Alors cessons de voir le burn-out comme ces personnes qui ne savent pas dire non, comme oui mais il en veut trop, mais si, mais ça. Bon, on arrête. Alors je suis à l'antenne, mais j'assume pleinement ce que je vais dire. On arrête de cacher la merde au chat, d'accord ? Parce que qui, à l'heure actuelle, ne veut pas le meilleur des meilleurs des meilleurs, hein ? Donc c'est quelque chose de sociétal. C'est quelque chose qui est acquis. On veut le mieux. Alors d'accord, apprendre à vouloir moins, c'est pas simple. Prenons déjà les choses par le début. Toutes ces personnes qu'on voit épuisées autour de nous, sachons en parler, mais en parler avec bienveillance, c'est-à-dire pas de jugement. Ça peut être votre tour demain parce que vous voyez pas venir les choses, parce que l'épuisement, c'est insidieux. Ça vient sans vous demander la permission. Parce qu'en fait, l'épuisement, pour en sortir, ou en tout cas pour pas y rentrer, ou en tout cas pour flirter avec, parce que je pense qu'on flirte tous avec, hein, dans notre société actuellement, l'épuisement. Rares sont les personnes qui ne sont pas du tout dans l'épuisement. Elles y sont épisodiquement, mais elles y sont aussi. C'est être respectueux envers soi-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Voilà, être et envers les autres. Respectueux envers soi-même, c'est dire, voilà, là, j'ai mal, plutôt que de dire non, là j'ai mal, voilà, j'ai mal. Est-ce que ce que je suis en train de faire a du sens? Ok. Est-ce que c'est vraiment obligatoire et vraiment sans retour? Je dirais par exemple le perfectionnisme, effectivement arrondir, et c'est souvent les personnes qui sont autour qui peuvent alerter. On va pas être parfait. Parce que notre statut d'être humain, malheureusement, hein, il est de ne pas être parfait. On va rigoler un peu avec ça, mais c'est normal, hein, sinon ça n'irait pas. Donc, le principal, c'est de se dire, soyons attentifs aux signaux d'alarme pour éviter, dans certains secteurs qui sont très touchés, les décès, parce que ça, c'est quand même une conséquence qui est très lourde. À ce sujet, on se retrouve dans 15 jours. J'aimerais, Lia, parler du sujet du burn-out des gens qui sont impliqués dans les associations ou qui sont militants. Oui. Ou en tout cas qui sont dans tout ce qui est à but relativement non lucratif, oui. Qui est caritatif, qui est non lucratif. Et donc de parler parce qu'il y a un mal-être dans ce milieu. Je suis en train de recueillir des interviews de personnes éventuellement qui pourraient être présentes en tant qu'invitées. Je ne sais pas si ça sera la prochaine fois ou si de nouveau je vais t'annoncer. Lia, je n'ai rien préparé. Pourquoi ? Parce que. Et voilà, maintenant tu vas savoir quoi me répondre. Donc, on va essayer de mettre ce sujet sur le tapis parce qu'il y en a assez de le mettre sous le tapis et qu'il est important d'en parler et de réaliser que dans ces milieux, les personnes sont très investies. Je les remercie pour toutes les belles choses qu'elles font, pour toutes les belles causes dans lesquelles elles s'impliquent. Et on doit aussi les avertir qu'il ne faut pas aller trop loin. Tout à fait. En tout cas, bravo à toi pour toutes ces émissions de sensibilisation et voilà, de pouvoir enfin briser ce tabou, en tout cas, de toutes tes forces. Et moi, ça m'a beaucoup appris. Je sais qu'autour de nous, il y a beaucoup de gens qui ouvrent petit à petit les yeux, que ce soit sur eux ou sur leur entourage. Et ça, c'est très important. Et on va lancer avec Radio Guémozo un hashtag « Je fais un burn-out ». Pour enfin briser la loi du silence. On espère, auditeurs, que vous serez au rendez-vous. Brisez, vous aussi, la loi du silence pour vous-même et pour votre entourage. Vous ne savez peut-être pas que votre voisin fait lui aussi un burn-out et peut-être que le fait de lui dire va libérer la parole chez lui aussi. Je suis très, très émue de ce que tu viens de dire, là. Merci beaucoup, Lia. Merci du soutien. Et j'en ai les frissons parce que, oui, il faut en parler. Il faut en parler. Merci. À bientôt, chers auditeurs. À bientôt. Auditeurs.